Si je t'écris ces quelques lignes, c'est pour que tu comprennes mon message, que tu saches ce que renfermait son visage. Elle parlait calmement d'une voix douce et paisible. Ses proches la connaissaient comme une fille discrète et sensible. Elle était muette et ne parlait que par nécessité. À travers ses lunettes, on voyait son regard s'éclipser. Elle était celle qui rentrait direct après l'école seule, faisait la vaisselle et nettoyait le sol sale. Marre de voir un père sans femme la malmener. Depuis la mort de sa mère, dans son sommeil, s'est mise à marmonner, shootée aux anxiolytiques. Son père n'avait rien d'idyllique, il rentrait chaque nuit en frôlant le coma éthylique. Pour elle, le même rituel dans cette grande maison. Depuis 2 ans, rien ne va, son père est un poison. Chaque nuit, il franchit un cap, ramène plus d'ivrogne. Elle nettoie le vomi de ses amis causés par l'alcool. Puis, son esprit s'entremêle au mal en revoyant les objets de sa mère au fond dans une malle. Et elle a mal et se pose tout un tas de questions. Pourquoi s'est-elle suicidée? Mon père en est-il la raison? Chaque nuit qui défile, cette pensée se confirme. La distance entre la conscience et la folie s'affine. Le visage de son père la dégoûte de plus en plus. Et elle revoit le fantôme de sa mère à travers le reflet du bus qu'elle emprunte, avec la crainte de rentrer chez lui. Et elle a peur et elle pleure tant elle redoute ses nuits. Mais courageuse, chaque soir elle franchit le palier. Mais ce soir-là, son père était accompagné. Elle s'en doutait, car ce parfum l'avait perturbée. C'était une femme, elle en est sûre, ça l'a percutée. Persuadée que son père est en train de s'accoupler, elle va chercher le fusil dans le placard derrière ses poupées. Frappe à la porte de la chambre de son paternel. Personne n'entend, elle rentre, une colère s'empare d'elle. Elle fusille son père et la femme, tous les deux allongés. Elle se calme après ce drame, se sent soulagée. Elle a du mal à mesurer l'ampleur de son geste, car il n'existe plus cet homme que tant elle déteste. Le lendemain, elle repart souriante en cours. Depuis 2 ans, en pleurant, elle faisait ce parcours. Ses camarades ne comprennent pas ce sourire inexpliqué. Pour ses professeurs, ce cas était trop compliqué. Enfin, la fin de journée, elle se retrouve dans son salon. Elle s'est maquillée, a mis une robe avec des talons. Sur la table, un verre vide et une boîte tranxène. Enfin prête pour le sommeil éternel. On va maintenant aborder un véritable fléau dans notre société, il s'agit du suicide. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un dépressif? Beaucoup de choses. C'est un concours de plusieurs facteurs. Plusieurs cellules psychologiques ont été mises en place hier. On sait qu'à cet âge-là, on a connaissance du caractère irréversible de la mort. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée, même si la thèse du suicide ne fait guère de doute. On survient toujours à une croisée de chemin entre une histoire individuelle. Une vingtaine d'enfants se donnent la mort chaque année, d'où l'importance de ne pas sous-estimer le mal-être des plus jeunes, parfois capables du pire.